Bien bonjour tout le monde et bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des Ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être là à chaque semaine à vous offrir comme ça, bien sûr, l'excellente musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, j'ai entre autres les Sales Barbes, Caroline Savoie, les Hôtesses d'Hilaire, l'album La Semaine, Noël avec toi de Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix. On va entendre trois chansons de cet album-là. On va entendre également Jean-Guy Choclabelle, Robert Paquette. Il y aura aussi Geneviève et Alain, Kiris et bien d'autres. Côté instrumental, Marie-Véronique Bourque et Michel Grégoire. On va entendre aussi du côté de l'Ouest, Annick Granger, entre autres. J'ai reçu son album, Le Ruban de la Cassette. Je vais vous faire entendre quelques chansons de cet album-là. Il y aura aussi Laurie Morin. Restez là, je vous reviens bien sûr avec le début de l'émission, c'est-à-dire le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, ici Lalonde des Ondes, très content d'être avec vous. Bienvenue à l'émission Canrock de cette semaine. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Mais la semaine passée, j'ai appris une excellente nouvelle, celle qu'on est rendu 15 stations à travers le Canada qui diffusent l'émission Canrock. Je suis choyé. Merci beaucoup à toutes ces stations-là. Donc, bien sûr... Un gros merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Et côté maritime, bien merci beaucoup à CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton et CHQC Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Ça me ferait vraiment plaisir. Et contact d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, commentaires, suggestions, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes, si vous voulez bien. On va tout de suite y aller avec une chanson souvenir, bien sûr, pour les 25 ans de Canrock. C'est Joe Frédéric. Joe Frédéric, c'est une chanson de Donna Lacroix que j'ai prise sur la compilation Acadie Racine, Pays sans frontières. Donc, c'est sorti, ça, je pense, au tournant du premier gala, du premier congrès mondial acadien. Et j'ai cette copie-là qui est plus trouvable. D'excellentes chansons sur cette compilation-là. C'est magnifique. Donc, on va entendre ça avec grand plaisir. Et Joseph Edgar, comme ça, a décidé de nous offrir une petite chanson. Le titre en est « Décembre au bord de l'eau ». Vous allez voir, assez excellent comme pièce. Vraiment, j'aime bien ça. C'est du Joseph Edgar. Donc, ça s'en vient également. Mais là, voici Donna Lacroix, Joe Frédéric. C'est Joe Frédéric qui me racontait un jour. Tu sais, la mer, ça peut jouer plus d'un tour. Si elle te berce, même te caresse, ne te dis pas qu'elle le fera toujours. Y a des pêcheurs que j'avais bien connus, une fois du large, ne sont jamais revenus. La mer a eu leur dernière prière et ils reposent dans le goémon vert. Mais Joe Frédéric avait le pied marin, un vrai loup de mer, comme disaient ses copains. Savait pas lire, pas même écrire, le ciel était son journal du matin. En regardant la lune et les nuages, il pouvait lire, écrit en première page, un vent léger, une tempête, un orage, pour tendre ses lignes ou lever ses mouillages. Un jour au large, la mer était tranquille, pas une petite brise, c'était calme comme une huile. Joe dit, on se greille, on appareille, cherchons vite un abri dans l'anse de l'île. Il n'avait pas encore saisi la barre, déjà le vent déchirait les amarres. ne pouvant rien aux fureurs de la brise. Sa barque n'était qu'une épave en dérive. Au bord des flots marchant sur le galet, sa vieille en pleurs jour et nuit l'attendait. Au désespoir, voulait revoir le vieux pêcheur mari qu'elle aimait. Car la tempête jetait sur le rivage débris, bateaux, mâts, filets et cordages, lui annonçant le malheureux destin de Joe Frédéric ou d'un autre marin. Trois jours après, le calme était revenu. À l'horizon, une goélette apparut. À belle allure, double abattue, on crie, c'est Joe, je reconnais sa voilure. Lui qui avait l'habitude d'accoster tous les samedis jusqu'au panneau chargé, sa cargaison était là sur le pont, le corps de quatre de ses compagnons. C'est Joe Frédéric qui me racontait un jour, tu sais, la mer, ça peut jouer plus d'un tour. Si elle te berce, même te caresse, ne te dis pas qu'elle le fera toujours. Il y a des pêcheurs que j'avais bien connus, une fois du large, ne sont jamais revenus. La mer a eu leur dernière prière et ils reposent dans le Guémont vert. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De mon chalet et les mésanges qui se rassemblent comme s'ils se donnaient tous des câlins. Dans mon fourneau, une tourtière chauffe, c'est la recette de ma grand-mère. À la radio, les chansons de fête me rappellent des beaux yeux ma belle. Y a-t-il quelque chose dans mon vin? Dis-moi pourquoi je me sens si bien. Y a-t-il quelque chose dans le vent? Oh non, c'est juste des sangs au bord de l'océan. Au loin, j'entends les enfants guiser et leurs parents qui leur crient rentrer. Même pas 5 heures, le soleil couché, mais y'a des bons films à la télé. Y'a-t-il quelque chose dans mon vin? Dis-moi pourquoi je me sens si bien. Y'a-t-il quelque chose dans le vent? C'est juste des sons au bord de l'océan. Oh non, c'est juste des sons au bord de l'océan. Tout ce que je donnerais pour que tu sois là, même si sous peu on va se retrouver. Je me glisse dans mes hardes de flanelle et je rejoins les mensonges, ma belle. Y'a-t-il quelque chose dans mon vin? Dis-moi pourquoi je me sens si bien. Y'a-t-il quelque chose dans le vent? Oh non, c'est juste des sons au bord de l'océan. Oh non, c'est juste des sons au bord de l'océan. Au bord de l'océan. Et on lance juste des sons au bord de l'océan. des chansons que j'ai tendues sur son cadre. Et je voulais faire la même musique pareil comme les Américains. À ce que je suis ici dans les vieux cachets, j'écoute seulement tous leurs disques. Et je donnerai peut-être 200 piastres pour un livre d'écrevé. Tout le monde, j'ai dit hey, aïe, aïe. Moi je parle en cachet, mais c'est juste en anglais. Parmi les Américains, j'ai manqué le Mardi Gras. Autant du gumbo, et je parle disco, et je m'en me fais dodo. Et voilà, tout un phénomène, les Sales Barbes, live au pas perdu, on vient d'entendre Disco fait dodo, j'ai hâte, j'aimerais ça, en tout cas j'espère avoir la chance bientôt de pouvoir voir ce spectacle-là, parce que on le ressent sur l'album, tout au long de l'album, c'est de l'énergie à 210, sur le 210, 220, je ne sais pas trop, mais c'est de l'énergie pure et beaucoup de plaisir. On le ressent sur l'album Live au pas perdu, les Sales Barbes. Les Sales Barbes, c'est qui, hein? C'est qui les Sales Barbes? Si vous ne connaissez pas encore les Sales Barbes, il s'agit de Jonathan Pinchot, Éloi Pinchot, Kevin McIntyre, Georges Béliveau et un dénommé Jean-François Brault qui fait partie de la formation. Donc, et c'est que du plaisir, ça se ressent en écoutant l'album. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ça, allez-y. Si vous avez la chance de mettre la main sur le disque, peut-être distribution plage, pas certain, mais quand même, c'est les Sales Barbes live au pas perdu aux îles de la Madeleine. C'est vraiment magnifique. Et juste avant, bien sûr, on a entendu une nouvelle chanson de M. Monsieur Joseph Edgar, oui, c'est tout simplement « Décembre au bord de l'eau ». C'est du Joseph Edgar, que voulez-vous? C'est bon, c'est excellent. Chose qui est excellente, c'est le nouvel album de Mme Caroline Savoir, « Pour chasser l'aube ». Caroline Savoir, avec sa chanson « 150 mg », se retrouve numéro 2 cette semaine sur le palmarès Sirius. Influence franco. Elle est deuxième, tout juste derrière les Cowboys fringants, avec 150 mg. On va l'entendre dans quelques instants. C'est magnifique. Et il y a eu cette semaine aussi le gala de GAMIC. GAMIC qui est l'organisation là, de la musique indépendante au Québec, mais aussi des artistes qui viennent d'un peu partout au Canada. Il y a nos amis les hôtesses d'Hilaire qui ont remporté l'artiste francophone de l'année et aussi album ou EP hors Québec avec Viens avec moi. C'est magnifique, on va les entendre également. Une fois par jour, avant de me coucher, mes nuits sont tête lourde sur l'oreiller, je ne sais plus comment rêver. Une fois par jour, je n'aurais jamais imaginé dans mon miroir une étrangère me fixe de la tête aux pieds. Je ne sais pas qui je deviendrai. Mais on dit que ça s'améliore avec le temps, que l'on peut s'en sortir vivant. Mais ça fait des mois que je tourne en rond. Le bonheur en médicament, je l'avalerai en attendant que je me libère de mes démons. Une fois par jour, c'est ce qu'on m'a donné pour nourrir mon âme d'une paix qui devrait durer. J'ai longtemps hésité. Une fois par jour, et j'aurai le cœur plus léger. Mon père est inquiet depuis que je n'ai plus le goût de chanter. C'est ce que c'est voir la gorge serrée. Mais il dit que ça s'améliore avec le temps, que l'on peut s'en sortir vivant. Et ça fait des mois que je tourne en rond. Le bonheur en médicament, je l'avalerai en attendant que je me libère de mes démons. Une fois par jour, avant de me coucher, je respire, je rassure mes plus sombres idées. Une fois par jour, c'est ce qu'on m'a donné. Ça n'efface pas les plaies que je dois soigner. 100 fois par jour, je me rappelle du beau. J'oublie la détresse qui dort sous ma peau. 100 fois par jour, au lieu de pleurer, je cherche les bouts d'espoir qui m'ont échappé. Ça s'améliore avec le temps. J'en ai vu s'en sortir vivant. Mon père, il ne tourne plus en rond. Le bonheur en médicament, je l'avalerai en attendant que je me libère de mes démons. Et voilà les hôtesses d'Hilaire avec Spread the Love, très accrocheur, méchant, mais méchant vers d'oreille, je vous jure, surtout dans le refrain, c'est très accrocheur. Et encore une autre fois, bravo aux hôtesses d'Hilaire lors du gala de GAMIC, qui est l'organisation de la musique indépendante au Québec, mais qui a aussi une ouverture sur Hors Québec. Eh bien, ils ont remporté l'artiste de l'année quand même, et aussi l'album ou le EP Hors Québec de l'année, avec tout simplement l'album Viens avec moi, qui est l'opéra rock qu'ils ont créé. Ça a tourné pas mal l'été passé en Acadie, mais surtout au Québec. Ça a marché à Montréal, ça a marché à Québec, cet opéra rock-là, assez solide et de l'excellente musique, les Hôtesses d'Hilaire, excellent groupe de l'Acadie, avec... La bête de scène, c'est le leader de la formation, M. Serge Brideau, qui était un méchant personnage, mais un gars très sympathique. Donc, encore une fois, bravo aux Hôtesses d'Hilaire. Il y a mon bon ami Joey Robin Haché qui, lui, a sorti un nouvel album. Ça s'est fait cette semaine et ça a super bien été du côté de... je crois que c'était au centre Adderley à Moncton. Et c'était vraiment magnifique. Il y a beaucoup de monde, selon les photos que j'ai pu voir, là. Et je trouve ça très intéressant. Il nous arrive avec un troisième album qui s'appelle 30. Sûrement pour ses 30 ans. Qui sait, je ne sais pas. J'ai fait une première écoute. C'est un peu différent des deux premiers albums de Joey Robin Haché. Mais quand même, c'est de la bonne musique rock avec des textes intelligents, des textes bien peaufinés. Et c'est vraiment merveilleux, donc moi je suis bien content. J'ai hâte, en janvier, je m'en vais au Contact Ontarois, qui est l'espèce de salon ou de réunion de toute l'industrie de la scène francophone en Ontario. Ça se passe à Ottawa du 14 au 18 janvier. Et Joey Robin Haché aura une vitrine là, justement. Donc... je pourrais faire une petite entrevue avec lui, à savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et il y a aussi Chloé Brault qui va être là, Joanie Benoît, Sai va être là également. Donc, plusieurs artistes comme ça. Et j'en profiterai pour faire quelques entrevues et avoir de l'information sur ces artistes-là. À savoir, y a-t-il des albums qui s'en viennent? Y a-t-il des nouveaux spectacles, etc., etc., etc.? Donc, à suivre, bien sûr, ça, c'est en janvier. Je vous en reparlerai bientôt. Mais pour l'instant, on va terminer notre bloc des Maritimes, si vous voulez bien, tout simplement avec une chanson. C'était le premier extrait de l'album 30, disponible sûrement sur Distribution Plage, www.plage avec un s.net. Monsieur Joey Robin Haché, troisième album, il nous propose tout simplement un premier extrait qui s'appelle Game Over. Écoutez les paroles, assez intéressant. Voici Joey Robin Haché. On m'a jeté sur un piédestal et je ne comprends même pas les règles du jeu. Dites-moi quel droit j'ai dû prendre pour gagner. Je moi si j'ai